Ursus avait été pour Gwynplaine et Dea à peu près père et mère. Tout en murmurant, il les avait élevés. Tout en grondant, il les avait nourris. Ses adoptions, ayant fait la cahute roulante plus lourde, il avait dû s'atteler plus fréquemment avec Homo pour la traîner. La vie errante n'avait pas empêché l'éducation. Il répétait souvent à Gwynplaine : Sois un philosophe. Être sage, c'est être invulnérable. Il leur avait appris à tous deux à chanter. Ces complications d'éducation soignée n'avaient pas occupé les deux enfants au point de les empêcher de s'adorer. Ils avaient grandi, en mêlant leur cœur, comme deux arbrisseaux plantés près. En devenant arbres, mêlent leurs branches. « C'est égal, » murmurait Ursus, « je les marierai. » Et il bougonnait en aparté. « Ils m'ennuient avec leur amour. » Une fois, n'y tenant plus, Gwynplaine, apercevant à travers une branche de mousseline le bras de Dea, effleura de ses lèvres cette transparence. Bouche difforme, baiser idéal. Dea sentit un ravissement profond. Elle devint toute rose. Ce baiser d'un monstre fit l'aurore sur ce beau front plein de nuit. Cependant, Gwynplaine soupirait avec une sorte de terreur et, comme la gorgère de Dea s'entrebâillait, il ne pouvait s'empêcher de regarder des blancheurs visibles par cette ouverture de paradis. Dea releva sa manche et tendit à Gwynplaine son bras nu en disant « Encore !» Gwynplaine se tira d'affaire par l'évasion. Le lendemain, ce jeu recommençait. Avec des variantes, glissement céleste dans ce doux abîme qui est l'amour.